Depuis toutes ces années, je n'ai fait aucune parodie sur le sexe. Alors, je vais vous en faire une. 1, 2, 1, 2, 3, 4, bite!